Dans la basse-cour, Carmelito et ses copains profitent joyeusement des dernières lueurs du jour. Bientôt, il faudra aller se coucher. On arrête de jouer, les enfants! Vite, vite! Le renard arrive! S'écrie la maman de Carmelito. J'aperçois déjà son œil qui brille. Aussitôt, poulettes et poussins se précipitent vers le poulailler. 37, 38, 39, compte Carmela. Vite, vite! Je vois les dents du renard luire dans l'obscurité. 39, mais il en manque un! Et c'est le mien! Où es-tu, mon poussin? Rentre vite ou tu vas te faire croquer! Même pas peur, répond Carmelito, qui regarde émerveillé le ciel scintiller dans la nuit. Nom d'une plume! S'écrie-t-il soudain. Une étoile filante! Depuis qu'il est sorti de son œuf, Carmelito rêve d'approcher les étoiles. Et voilà qu'une de ces merveilles file derrière le petit bois. J'arrive, ma belle! S'exclame-t-il en s'élançant vers les arbres. Son rêve est là, immobile sur le sable. C'est trop de bonheur pour un petit cœur de poulet. Pauvre étoile, elle semble épuisée par le voyage, se dit le poussin en la ramassant délicatement. Il s'écrie alors étonné. Bizarre, c'est tout mou et ça sent le poisson. J'ai trouvé une étoile, c'est le plus beau jour de ma vie. Puis il court annoncer l'incroyable nouvelle à son ami Pedro le cormoran. Ha ha ha! Une étoile filante tombée du ciel! S'exclame Pedro. Mon pauvre Carmelito, ce n'est qu'une étoile de mer, et pas très fraîche! Le vieux cormoran qui fait l'intéressant poursuit. Apprends, mon poulet, que les étoiles n'existent pas. Je t'explique. La nuit, la terre est recouverte d'une gigantesque passoire toute noire. Et les étoiles, c'est la lumière qui passe par les petits trous de la passoire. Hi hi hi! Carmelito fond en larmes. Bellino, le petit bélier, s'approche de lui. « Ne pleure pas, Carmelito. Tiens, j'ai ramassé ton étoile. Je vais te dire un secret. Moi, j'ai un ami, le signor Galilée. Comme toi, il passe ses nuits à observer les étoiles. Viens, je vais te conduire auprès de lui. » Ils arrivent près de la maison de l'astronome. Quel étrange bonhomme, chuchote Carmelito. Il parle tout seul en regardant les étoiles dans un drôle de tuyau. Tu sais, le chat, marmonne le vieil homme. Grâce à cette lunette, j'ai découvert des centaines de nouvelles étoiles. Et si nous n'étions pas seuls dans cet univers? Bonsoir. Ah, c'est toi, Bellino, s'écrie le vieux savant. Tu es venu avec un copain? Soir, monsieur Galilée. Je m'appelle Carmelito. « Dis, tu me laisses regarder les étoiles dans ton tuyau truc machin ?» Waouh, comme elles sont près ! Si près que je pourrais les toucher. Eh monsieur, quand est-ce qu'on pourra les toucher pour de vrai les étoiles ? Toucher les étoiles ? Ouhouhouhou ! Glousse Galilée, quand les poules auront des dents ! Pendant ce temps, dans l'espace. Oh maîtresse, regardez la jolie planète bleue ! Doucement les enfants, doucement ! Voyons si elle est indiquée dans mon guide. Mais oui ! Elle s'appelle la Terre. Oh, quelle jolie! Maîtresse, j'ai envie, c'est pressé! Supplie une petite voix. Ça ne peut pas attendre, Saturnin? Eh bien, nous allons faire une petite halte sur Terre. Nous en profiterons pour apporter plein de choses. Allez les enfants, regagnez vos places. Attachez vos ceintures et chaussez vos lunettes de protection. Plus vite, chauffeur! Plus vite, chauffeur! Plus vite! Plus vite chauffeur, plus vite chauffeur, plus vite. Après une nuit de travail, Galilée est allé se coucher. Les deux amis se sont endormis à leur tour. Soudain, Carmelito est tiré de son sommeil par un terrible grondement. Un dragon vomissant toutes les flammes de l'enfer surgit dans le paisible jardin. Bellino, Bellino, réveille-toi. Je ne rêve pas, s'écrie Carmelito. Ce sont des poules vertes, et en plus elles ont des dents. Et lui, prenez, lâche ça. C'est vieux et c'est moche. Souriez les potes, vous êtes filmés. Doucement les enfants, doucement. La première frayeur passée, Carmelito ne peut résister à l'envie d'aller visiter cet étrange poulailler tombé du ciel. « Allez, viens, Bellino !» s'enhardit le poussin. « Et si on retournait plutôt chez nous ?» répond prudemment le petit bélier. Un peu à contre-cœur, Bellino finit par rejoindre son ami. « Y a quelqu'un ?» demande timidement Carmelito. « Trouve plus mes bottes de sortie. Tout le monde est descendu et moi je suis toute seule et j'ai peur. Bonjour !» lance timidement le poulet rose. « T'as besoin d'aide ?» En apercevant le poussin et le bélier, la petite poule verte rassurée cesse immédiatement de pleurer. « Je m'appelle Céleste !» dit-elle en reniflant. « Et je suis dans la classe de Madame Cazar. » « Moi c'est Carmelito et lui c'est Bellino. » « Pas mal, ton poulailler !» s'extasie Carmelito. « Comment ça marche, ce truc ?» demande Bellino. « Ben avec un moteur en étoile, tiens !»« Un moteur ? Qu'est-ce que c'est, un moteur ?»« Vous êtes des marrants, vous. Je vous fais visiter ?»« On est en classe verte !» leur explique la poulette. « Avec la maîtresse, on s'arrête un peu partout et on visite les étoiles. » « Tu viens des étoiles ?» s'écrie Carmelito. « Alors j'avais raison, elles existent !»« Évidemment !» dit Céleste. « Regardez toutes les belles choses qu'on a trouvées. On va les étudier à l'école. »« Qu'est-ce que c'est l'école ?» demande Carmelito. « Vous n'allez jamais à l'école ?» s'étonne la poulette. « Ben non. »« Oh là là, les gars, on va tout reprendre depuis le début. » Céleste explique patiemment. « Notre galaxie comprend des milliards d'étoiles. » C'est combien des milliards ? Demandent les deux amis. Ben, c'est très beaucoup, répond la petite poule embarrassée. Une question brûle le bec de Carmelito. Céleste, ne te fâche pas, mais pourquoi vous avez des dents ? Céleste répond. Un jour, il y a très longtemps, les fermiers se sont mis à nous nourrir avec de la viande. Et nos dents ont poussé. Et que sont devenus les fermiers ? Demande Carmelito. On les a bouffés et on a pris leur place. Soudain, Céleste s'écrie. Oh, mes bottes! J'ai retrouvé mes bottes! Je vais pouvoir sortir du vaisseau. C'est pas tout ça, les garçons, mais il faut que je trouve quelque chose à rapporter de votre planète, comme me l'a demandé la maîtresse. Céleste, accepte ceci en souvenir de nous, propose alors le petit poussin. C'est une étoile. C'est la seule étoile qu'on trouve sur la Terre. « Tu vas voir, c'est rigolo !» ajoute Bellino. « C'est tout mou et ça sent le poisson !» Céleste est ravie. Jamais elle n'a vu pareille merveille. Sur sa planète, il n'y a ni mer ni océan. « À moi de vous faire un cadeau !» bredouille-t-elle très émue. « Tenez, c'est peu de choses, mais ça me fait plaisir. C'est un morceau de l'étoile du berger que j'ai ramassé hier !» explique la poulette verte. « Je ne le crois pas. Bellino, t'as vu ça ?» C'est extraordinaire! Je touche une étoile! Je touche une étoile! Approchez! S'exclame Céleste. Je vais vous montrer comment trouver ma planète. La nuit venue, cherchez un groupe d'étoiles qui dessine un renard dans le ciel. Vous voyez son œil qui brille? Eh bien, c'est là que j'habite! Mais voilà qu'on s'agite autour de l'autocar spatial. La halte est terminée et toutes les petites poules embarquent. C'est le douloureux moment des adieux. Doucement, les enfants, doucement. 37, 38, 39. Il m'en manque une. Céleste ! Hurle Madame Cazar. On s'en va ! Où étais-tu, Céleste ? Allez, allez ! Maîtresse, regardez ce que je rapporte. Une étoile de terre. Adieu, adieu, Céleste. Jamais on ne t'oubliera. La fusée a disparu et la fumée s'est dissipée. Il est temps de rentrer, suggère le petit bélier. Déjà ? Répond Carmelito. Quel dommage. Tu sais comment sont les parents ? On s'absente 5 petites minutes et ils en font toute une histoire. Les deux amis ont préféré ne rien raconter de leur extraordinaire rencontre. D'ailleurs, qui les aurait crus ? Au poulailler, la vie a repris son cours. Levé avec le soleil, couché avec les poules. « Carmelito, rentre mon poussin ou le renard va te croquer !»« Oui, maman, encore une petite minute !»« Oh, regarde Carmelito, une étoile filante, je vais faire un vœu !»« Moi aussi !» dit Carmelito. Au même moment, chez l'astronome. « Je suis de plus en plus persuadée qu'il existe d'autres êtres vivants dans l'univers, mais ça ne sera pas facile à prouver !» Vous venez d'embarquer pour l'univers des petites poules. Toute une collection pleine d'humour et de fantaisie écrite par Christian Jolibois, illustrée par Christian Heinrich et publiée chez Pocket Jeunesse. Vous avez écouté Un poulailler dans les étoiles, mais vous pourrez retrouver Carmelito et les petites poules dans bien d'autres aventures étonnantes et cocasses.